Mosaïque. Bonjour à tous, fidèles auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, et merci d'avoir choisi ce rendez-vous dans l'émission Mosaïque. À juste 2 mois des élections, ici, nous parlons du premier rendez-vous le 20 mai 2020 avec un triple scrutin, la présidentielle, les législatives et les communales. La radio Isanganiro poursuit son programme de donner la parole au candidat président. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir sur le plateau 2 candidats indépendants. Et ce sont justement les 2 qui se sont présentés à ce titre. Ils vont nous parler de leur projet, analyser la situation à l'état actuel. Nous allons nous poser la question sur ce qu'ils comptent faire pour le pays et pour son peuple. Avec quelles ressources? Eh bien, d'autres questions. Ainsi, avec nous sur le plateau, Francis Rohero à ma droite et à ma gauche, Dieudonné Nahiman. Bonjour et bienvenue à tous les 2. La mise en onde est assurée par Alphonse Kubgimana, à la réalisation Léonce Bitaliho et au micro Sylvain Hakantimana. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous dans l'émission Mosaïque. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À partir du moment où un candidat qui se déclare candidat président, c'est-à-dire il a un paquet de propositions à la population. Aujourd'hui, je crois que nous vivons dans un pays où il est difficile des fois pour la plupart des personnes de distinguer une cause et une conséquence. Je vais parler des causes, je ne parle pas des conséquences. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit parce que nous vivons dans un pays ensemble. Et je crois que ma logique est la suivante. Nous sommes dans un pays où le problème de pauvreté est très majeur dans le pays. Et ce problème, il a amené les gens à une déconsidération humaine au point que le niveau du leadership est tellement descendu, trop bas. Quels sont les problèmes qui se présentent dans le domaine de la culture qui fait vivre beaucoup de monde ici au Burundi? Comme mon frère Francis l'a dit, le problème c'est que l'agriculture n'est pas structurée, elle n'est pas organisée. Mm-hmm. C'est-à-dire que toute personne qui ne travaille pas dans un travail, de la fonction publique ou dans une organisation, une ONG quelconque, il va se présenter comme un agriculteur. Mm-hmm. Mais quand on pense à l'agriculture, on pense quand même à une certaine structure, des mécanismes qui permettent à ce que les gens qui travaillent au niveau de l'agriculture puissent aussi produire vraiment ce que la population a besoin. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, on se rend compte que nous avons beaucoup de personnes qui se disent des agriculteurs, mais qui ne sont pas vraiment des agriculteurs. Alors, en même temps, je reviendrai encore une fois sur cette question de comment la population est organisée en communauté. Quand des gens ne produisent pas ensemble, et que chacun s'occupe de son petit champ, essaie de produire ce qu'il a besoin et à la limite ce qu'il peut amener au marché, mais quelque part qui n'est pas vraiment suffisant pour payer d'autres, pour pouvoir s'acheter d'autres choses qu'il ne peut pas produire lui-même, on se rend compte que c'est difficile d'avoir une bonne production coordonnée au niveau agricole. Donc, il y a ce problème qui est toujours aussi lié sur le fait que la population ne travaille pas ensemble, les gens ne vivent pas en communauté et ne libèrent pas les espaces qui pourront être utiles à l'agriculture. Donc, quelque part, c'est une question de loi et de structure et de principes qui peut permettre à ce que le domaine de l'agriculture soit mieux structuré, mieux organisé pour une bonne production. L'énergie, la justice, le transport, qu'est-ce que vous en dites? Alors, quand nous parlons de l'énergie, dans un pays comme le Burundi, par exemple, la première source d'énergie qui nous permet de par exemple, cuire nos aliments, les gens vont faire recours au charbon, au bois, et tout, ça c'est l'énergie qui est utilisée, mais en même temps qui va créer un autre problème d'environnement. Mais par exemple, il y a d'autres énergies renouvelables, il y a par exemple aussi le pouvoir utiliser l'énergie solaire, il y a d'autres énergies qu'on n'a pas vraiment beaucoup développé. Quand nous regardons l'électricité aujourd'hui, c'est pour la population urbaine seulement. Donc, la majorité de la population burundaise n'a pas accès aux sources d'énergie qui peuvent leur permettre, par exemple, de réduire le fait de pouvoir détruire l'environnement en utilisant l'énergie qui vient du bois, de chauffage ou de charbon. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes en train d'écouter l'émission Mosaïque. Nous avons deux candidats indépendants aux élections présidentielles, et en la personne de Francis Rohero et en la personne de Dieudonné Nahimana. Deuxième question pour les deux candidats. Vous venez de faire le panorama, une sorte d'état des lieux, des problèmes qui se présentent au niveau de la population burundaise. Entrons cette fois-ci dans les solutions que vous proposez à la population. Ce sont les solutions que vous proposez à la population, pardon, et qui vont faire compétition avec les autres solutions proposées par d'autres candidats. Je commence par Monsieur Francis. Quelles sont les grandes solutions que vous proposez à la population burundaise face aux problèmes qui la minent? Merci. Et d'abord, ici, je reviens sur un fait. Je remercie votre média qui nous donne l'opportunité d'offrir au peuple burundais une autre raison. Écouter les programmes. Et j'espère qu'avec ce travail que vous commencez, on aura l'opportunité de renverser la tendance, une tendance qui nous fait croire que la guerre des drapeaux, la guerre des permanences est vraiment de la politique. Merci. Et je le redirai encore une fois. Voilà. Comme vous venez de le dire, on vient de parler de notre constat. Moi, après ce constat, j'ai essayé d'imaginer une solution qui va d'étape en étape. Première étape. Et c'est pour cela que ces étapes, je les ai mises en chantier et j'ai dit, Le premier chantier, c'est on lequel? peut toujours copier tout ce qu'on pense, on peut toujours imaginer et prendre ce que les autres ont écrit dans le monde, mais rien ne pourra être possible dans ce cas si le cœur de celui qui va au centre de cette activité est un cœur meurtri. Francis, le Mon premier premier chantier. chantier, c'est nous et gouvernance. Nous, c'est moi et toutes les personnes qui, à partir du mois d'août, vont m'aider à gouverner ce pays. Ça, c'est philosophique. Non, parce qu'on sera élu. Bon, alors, quelles sont exactement, concrètement, les Exactement. actions qui se trouvent dans nos gouvernances, Dans nos dans gouvernances. votre premier chantier? Merci beaucoup. Il y a en effet. Il y a sept chapitres dans ce chantier. Le premier, c'est l'autorité. L'autorité. Et là-dedans, je veux que les gens comprennent que seul le sacrifice de l'autorité peut amener à réussir les La autres première étapes. solution, C'est vraiment l'autorité qui se sacrifie. qui se sacrifie. Et je prends un exemple, c'est qui doit rendre public tous les avantages financiers du sommet à la base, qui doit réduire ses salaires et des autres cadres politiques, dans les proportions des autres cadres du pays, il doit diminuer considérablement les frais de son fonctionnement au profit de l'investissement dans la production à hauteur de 60%. Ça, c'est d'abord le premier point au niveau de l'autorité. Alors, je fais une sorte de commentaire par rapport à votre solution que vous proposez. Réduire les salaires des cadres politiques dans la proportion des autres cadres. Ça veut Merci dire beaucoup, quoi? merci Ça veut beaucoup. dire quoi? Je vous rappelle qu'en 85, ici au Burundi, le salaire d'un ministre était autour de 42 000 et les licenciés étaient payés aux environs de 28 000. Et les gens qui venaient de terminer les humanités, notamment les gens qui étaient A2, ils avaient environ autour de 19 000, 21 000. Vous comprenez que le salaire d'un ministre était très rapproché des autres fonctionnaires. Au point que même s'il était démis de ses fonctions, il revenait pour travailler dans sa carrière ordinaire. Avec le délabrement, ce que j'ai dit tout à l'heure, le délabrement de l'esprit, du leadership, les autorités à longueur de temps ont pensé que la pauvreté qui minait le pays était pour eux une façon naturelle de se donner des salaires. Aujourd'hui, on est au niveau où un licencié ordinaire est autour de 200 000 et que les ministres ont environ 2 millions et demi, 3 millions. Regardez ces différences. Donc, 10 fois plus le c'est-à-dire, salaire. vous voulez réduire les salaires des cadres politiques dans les proportions des Et autres cadres, exactement. ramener le ministre à toucher 200 000, comme vous le dites? Pas exactement. Dans les proportions, c'est-à-dire, vous avez compris les proportions de la base de 85. Je pourrais même vous donner les chiffres de 75. Est-ce que ça serait réduire? Exactement. Ça serait C'est-à-dire réduire les quoi? salaires ou ça serait augmenter les salaires jusqu'à ce que le cadre puisse approcher le salaire du ministre? Là, vous me demanderez de la procédure que j'utiliserai durant les 7 ans pour arriver à ce constat. C'est-à-dire que on ne peut pas être dans un pays où les gens qui se font élire, moi par exemple, je viens de me faire élire, je suis un fonctionnaire ordinaire de l'État, que subitement, j'ai 20 fois plus le salaire que j'ai, 10 fois, et les gens trouvent cela normal, alors que j'ai dit que je viens pour me sacrifier. Je veux que les gens comprennent. Et ça, je sais que c'est la guerre que je vais mener, non pas avec le peuple, mais avec les autres cadres politiques qui ne voudront pas de ça. Et vous croyez que vous avez des armes pour mener cette guerre? Mes armes, ce sont les élections. Ok, merci. Je crois que c'est Ça, suffisant. c'était un point dans le Il y premier a un autre. chantier. Est-ce que vous pouvez me dire un autre ou trois ou un deuxième point, juste pour aller à un deuxième Toujours dans chantier? l'autorité? Et oui, justement, parce Oui, que dans c'est le. l'autorité. Oui. Regarde, par exemple, il doit y avoir une transparence obligatoire sur le patrimoine de toutes les autorités et le publier de façon répétitive tout au long d'un mandat. Je suis surpris que tous nos chefs d'État, tous nos ministres entrent en fonction avec un certain niveau et on dit qu'ils le déclarent à la Cour des comptes. Ce n'est jamais publié. Et à la fin de leur mandat, on trouve que les présidents, les ministres ont 20 fois, 50 fois, 1000 fois plus le patrimoine qu'ils avaient à l'entrée de leur fonction. Le patrimoine de toutes les autorités, le publier de façon répétitive. Répétitive tout au long de leur Mais mandat. quelle est cette périodicité que vous voulez prendre pour la publication de son Ça, patrimoine? c'est ce qui sera étudié au niveau des conseils de ministres. Au niveau... Donc, c'est la mise en application qui sera étudiée. Ça, ce n'est pas un problème politique. Ici, j'amène des solutions politiques et le gouvernement et les autres institutions vont le dire de façon claire dans la mise en application. Oui. Donc, On me voilà. signale de l'autre côté de la cabine. Nous prenons un peu de temps. Est-ce que je peux poser une autre question par rapport à ce chantier? Le deuxième point, on a parlé de l'autorité. Le deuxième point, c'est lequel? C'est la La sécurité. sécurité. Ça fait problème. Proposition de solution par rapport à la Oui, sécurité. je montre un exemple. Nos forces de l'ordre, Dieudonné, je vais venir vers vous. nos forces de l'ordre, Oui. policiers et militaires, ils mènent quelle vie? Parce que des fois, nous nous lamentons qu'ils font des bavures. Nous nous lamentons qu'ils font tout de Vous travers. proposez quoi pour les forces de Oui, l'ordre? justement. Par exemple, je veux qu'il y ait un mécanisme de logement spéciaux pour eux. Je ne veux plus voir des militaires, des policiers, en train de se débattre pour se construire une maison. Deuxièmement, C'est-à-dire, vous allez construire des maisons pour les militaires et policiers. ça, c'est spécialement, parce que pour les autres fonctionnaires, c'est dit aussi dans les autres chapitres. Mais là, c'est spécialement, c'est parce que je ne veux plus voir un militaire, un policier, qui court derrière des sacs de ciment, de fer à béton, pour pouvoir se faire une vie. Et troisièmement, je peux le dire, je ne veux plus voir des forces de l'ordre derrière le commerce. À partir de ceux qui sont Est-ce que c'est les... le constat aujourd'hui? Oui, c'est le constat. On constate que la plupart de ceux qui le peuvent, ceux qui en ont les moyens, ils ont versé dans le commerce. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, Monsieur Francis, vous avez Merci, parlé du premier merci. chantier. On va revenir sur le deuxième chantier. OK. Monsieur Dieudonné, quel est votre, je ne dis pas chantier nécessairement, c'est le terme utilisé par Francis. Quelle est votre solution, la première solution que vous proposez à la population pour résoudre les problèmes que vous avez déjà identifiés? Premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le respect de la vie, le fait de protéger la vie de chaque Burundais et chaque Burundaise d'une façon, je dirais que la protection de la vie de tout Burundais est sans prix. Donc, quelque part, quand nous regardons ce qui s'est passé dans l'OTAN, on néglige facilement la protection de la vie humaine par le fait que nous voyons C'est-à-dire, vous dites cela parce que vous vous dites qu'il y a des gens qui sont tués gratuitement comme ça ou vous avez un autre Oui, constat. depuis, plus depuis l'indépendance du Burundi, on se rend compte que chaque fois, il y a des répétitions, des tueries. Et puis, il n'y a pas seulement les tueries qui sont faites parce qu'il y a des guerres, mais il y a aussi la négligence, le fait que des gens meurent par exemple des maladies qu'on pouvait facilement éviter ou des problèmes d'insécurité qu'on pouvait facilement éviter, par exemple la sécurité routière, par exemple le fait qu'on se rend compte que il y a des personnes qui se donnent le droit de pouvoir violer la vie ou les droits de chaque, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les enfants, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que la vie de chaque Burundais sera sans prix. Donc, il n'y Prenons aura pas. y a violation de la vie, il y a des gens qui tuent, etc., etc. Vous voulez dire que vous allez donner un policier ou un garde-corps à chaque Burundais? Il n'y a pas de tolérance. Il n'y aura pas du tout de tolérance pour chaque personne qui fera tout pour qui fera quelque chose qui va faire qu'une personne perde sa vie, par exemple, parce qu'il a tué ou parce qu'il a négligé ou qu'il a fait une chose qui a fait qu'une vie humaine soit détruite. Avant Donc, tout, pour vous, la protection de la vie humaine. la protection, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, même les administratifs, Oui. si, vous n'avez pas le droit de dire ce n'est pas moi qui ai tué la personne. Personne, au moment où tu voudrais faire quelque chose pour éviter que la personne soit tuée. Oui. Donc, quelque part, il n'y aura pas une tolérance à toute chose qui ferait que la vie humaine ne soit pas respectée. Là, je pouvais aller dans les détails, ça peut aller même au niveau de la santé, ça peut aller effectivement sur le plan sécuritaire. Il y a différentes choses qui devaient être faites pour effectivement que la vie humaine soit respectée. Le deuxième chantier, c'est vraiment beaucoup plus insister sur le logement. Le logement, parce que le bien-être commence par le fait que une personne qui rentre chez soi peut bien dormir, peut bien se reposer et bien se sentir sécurisée dans son logement. C'est-à-dire, dans le septennat que vous allez diriger une fois élu, tout le monde aura un logement. Ça sera une des plus grandes priorités parce que, qu'est-ce que je veux dire par le logement? Aujourd'hui, nous voyons par exemple que des Burundais dorment encore par terre. Ne peut pas dormir sur un matelas, certains dorment avec des animaux, d'autres vivent dans des conditions vraiment qui sont pas vraiment acceptables pour des personnes qui peuvent dire, OK, voilà, moi je suis civilisé aujourd'hui, je ne peux plus vivre cette vie que j'ai vécue quand j'étais Oui, encore chez moi. c'est-à-dire que si vous faites un constat pareil, vous avez fait des statistiques, quels sont les Burundais aujourd'hui en termes de statistiques qui n'ont pas de logement et à quel niveau vous voulez élever les Burundais jusqu'à avoir un logement? À quel pourcentage? Alors, le pourcentage que je vais donner, c'est pas pour dire que c'est vraiment après des données précises que nous avons aujourd'hui, parce qu'on se rend compte qu'il y a pas de données qui sont vraiment précises, mais on se rend compte qu'à 80% de la population burundaise vivent dans un logement qui n'est pas vraiment, qui ne respecte pas le minimum Ok, vous dites pour. 80% de la population burundaise vivent dans des logements qui ne respectent pas, j'allais dire, les standards. Vous voulez amener cette. Vous voulez réduire ce pourcentage jusqu'à quel niveau? À 30%, à 20%, à 50%, ou vous voulez dire à 100%, nous ne voulons plus des gens qui vivent comme ils vivent aujourd'hui? Bien sûr, quand on s'engage, c'est qu'on veut apporter la meilleure solution pour tout le À monde. quel Comme pourcentage? on ne voudrait pas créer des injustices, l'idéal pour nous, c'est toute stratégie qui ferait que nous puissions réduire cela à 100%. Cela peut ne pas nécessairement se faire dans 7 ans, Ouais. peut ne pas se faire dans Ah, 14 vous ans, envisagez deux mandats déjà. mais Ah. ça fait un plan. Parce Ouais. que je pense qu'il faut quand même penser à la continuité de l'État. Ouais. C'est que si nous avons commencé quelque chose, même si ce ne sera peut-être pas nous, mais quand même, ceux qui vont continuer dans le même sens. Alors, comment est-ce que cela pourrait être possible? C'est que, comme je l'ai dit dès le départ, les Burundais doivent vivre dans des communautés. Ils doivent quitter là où ils sont éparpillés, sur des collines, dans des champs, mais garder les champs comme leur action, qu'ils pourront utiliser dans des activités agricoles. Mais vivre en communauté, pourquoi ici des gens dans des villes ou dans des centres urbains, ils vivent dans des conditions qui sont plus ou moins meilleures? Parce que les centres urbains facilitent d'avoir accès à des infrastructures comme les routes, comme l'électricité, comme quand même un minimum de ce qui est nécessaire pour que quelqu'un puisse bien être logé. Donc je pense que la première chose, c'est créer un environnement qui favorise le village. villagisation pour que les gens vivent en communauté, sans toutefois perdre la connexion avec leur champ, leur terre où ils pourraient utiliser pour C'est-à-dire, la l'agriculture. villagisation, c'est une politique qui a été commencée les années 80 avec le président Bagaza. Ça a été repris avec les législatures très récentes. Et quelle est la solution miracle que vous allez apporter à la population du moment que nous savons que c'est une politique qui est plus ou moins échouée? Oui, pourquoi est-ce que cette politique a échoué? Parce que on doit éviter, et je pense que dans ce que nous allons entendre, que les différents candidats vont proposer, il faut éviter avant un langage de faire des choses pour les Burundais. Tu es qui pour faire des choses pour les Burundais? Quelqu'un qui est dans la gestion du pays, dans la politique, dans l'administration, crée un environnement favorable qui donne l'opportunité à chacun de pouvoir se donner ou avoir accès à ce qu'il rêve dans sa vie. Donc, alors, le problème, c'était que les gens viennent pour parler. On parlait des Bigwati, par exemple. On va construire pour vous. Il faut cette sortie de cette logique-là. Parce que je pense qu'ici, à Bujumbura, nous voyons des quartiers qui naissent, mais on n'entend pas quelqu'un qui vient dire on va construire pour vous. Mais on crée un environnement qui donne le pouvoir à chaque personne, à chaque bondé, de pouvoir se construire lui-même, de s'acheter une parcelle, de pouvoir se construire lui-même un logement décent. Donc, Dans votre, j'ai une fascicule qui revient un tout petit peu et qui résume votre programme. Vous dites quelque part que vous allez faire en sorte que les noms qui mûrissent les gens pourraient être supprimés, genre Omoboy, j'allais dire, le garçon, le domestique, je crois, si je dois traduire, genre Mouyaya, je crois, la bonne, genre Nyarouchali, je crois, la petite personne qui n'est pas très considérée au niveau de la société. Mais comment est-ce que vous allez changer tout ça jusqu'à ce que ces concepts soient oubliés? ça va commencer par le fait de comprendre une culture de leadership, de service. Nous avons gardé le même style de leadership, le même type de leadership qui était là pendant la période coloniale. Umuboi, c'est en anglais, ça veut dire boy, Boy. garçon. Même quelqu'un qui a l'âge de ton père, parce qu'il travaille chez toi, tu En l'appelles quoi comme un blanc. ce concept-là est mauvais? Il est très mauvais parce qu'on ne veut pas valoriser le travail de cette personne qui contribue au développement du pays. La personne qu'on appelle un paysan, parce qu'il travaille au niveau de l'agriculture, qui produit ce que nous mangeons, ne pourra jamais rêver avoir sa propre moto, une belle maison. Pourquoi? Parce que on se dit, tu n'as pas étudié, tu n'as pas de valeur, et tu es dénigré, tu dois rester à ce niveau-là. Mais ce sont ces personnes qui sont le moteur du développement économique de ce pays. Moi, j'ai grandi en voyant des personnes qui font la poterie, par exemple, pour avoir ce que nous utilisions pour faire la cuisine à la maison et tout Pour ça. une anecdote, quel est le petit métier que vous aurez eu à réaliser dans votre vie? Vous avez été Mouboyi, vous avez été, comment dire, celui qui fabrique des poteries, des quoi? Je voudrais savoir, en fait. Premièrement, je n'accepte pas qu'il y ait un petit métier, parce que tout métier qui apporte des solutions à un besoin, qui apporte des solutions que la communauté peut avoir, n'est pas petit. C'est vrai, je me suis retrouvé dans des conditions difficiles, j'ai vécu dans des injustices qui ne m'ont pas permis de vivre une vie confortable, j'ai traversé des moments très difficiles, et je me suis rendu compte que même un enfant de la rue qui est négligé, qui semble ne pas avoir de valeur, s'il parvient à comprendre qu'il a de la valeur et qu'il a des potentiels, il peut se retrouver en étant une fierté pour tout un pays. Donc, il y a ce fait de séparer les classes et de voir la majorité de la population burundaise qui est dans le secteur qui n'est pas formel. À ce moment-là, on se dit, voilà, ces gens-là, ils n'ont rien à apporter. Un certain nombre de personnes qui ont des salaires, qui travaillent pour le gouvernement, sont ceux-là qui sont les plus importants. Donc, je pense qu'il y a une certaine injustice au niveau des classes sociales qui a toujours créé des problèmes et des cycles de violence que nous avons toujours vécu. Donc, c'est pour dire, il faut que chaque bondé soit respecté dans son métier. Et il n'y a pas de petit métier, il faut valoriser, il faut donner l'opportunité à celui qui est en bas de pouvoir monter en haut un jour parce qu'il a bien travaillé, parce qu'il a donné le maximum. Ok, respirons un tout petit peu. Mosaïque. Mosaïque. La deuxième question, en rapport avec votre projet, Francis, vous avez parlé du premier chantier. On a effleuré quelques points. On ne peut pas aller dans les détails. Peut-être qu'on aura le temps pour faire le détail. Quel est le deuxième chantier que vous avez pour la société? Juste, je peux faire une énumération. Oui. Donc, après l'autorité, c'était la sécurité, puis la justice, puis je parle de la presse, des relations internationales et de la loi et de la diaspora. Donc, ce sont les sept chapitres qui On y sont. reviendra Oui, avec un temps en beaucoup effet, plus oui. attendu, C'était j'ai juste beaucoup. pour rappeler que ce sont les chapitres qui montrent que le sacrifice de l'autorité, dans son sens, s'il est vraiment maximal, tous les autres chantiers se passent de façon OK, votre exemplaire. deuxième chantier, Mon deuxième Francis. chantier, comme je le dis, c'est la production et objectivité. Il faudrait pas qu'on Comment est-ce amène. que la production et l'objectivité vont ensemble? Oui, merci. Et parce qu'on vient de passer une bonne période à vouloir faire croire que les gens qui s'activent trop sont vraiment en train de développer le pays, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Lorsque vous dites s'active trop, vous voulez dire les gens passifs ou les gens actifs? C'est pas ce que j'ai dit. Je crois qu'il faut suivre mon regard. Ouais. Je veux que les gens, quand quelqu'un se dit, moi, je vais me lever à 5 heures du matin, Ouais. je vais travailler si vous voulez, je reviens le soir. Ouais. Il ne faut pas qu'il fasse croire aux gens qu'il a travaillé parce qu'il est resté trop longtemps là-bas. Il faut plutôt qu'il montre la production qu'il a eue. Le Et ça résultat. se montre avec le pouvoir d'achat. Donc, comme on a parlé de ce que tu as dit, des constats, c'est-à-dire, de jour en jour, nous sommes en train de constater l'incapacité de remplir le panier de la ménagère. Le marché devient de plus en plus impossible pour la plupart des personnes. Allez, par exemple, dans les marchés, vous trouverez qu'il y a des gens qui sont là du matin au soir qui n'arrivent pas à vendre. Pas que les gens n'ont pas besoin des produits, mais parce qu'ils n'ont pas la capacité d'acheter. C'est-à-dire, le pouvoir d'achat va décrescendo de jour en jour. Et Alors, entre-temps, les gens se disent, on travaille, on se développe, et voilà où il y a une relation entre la il y en a qui production et peuvent vous dire, l'objectivité. ça c'est, on a toujours entendu que le pouvoir d'achat de la population est minable. Comment est-ce que vous allez faire pour augmenter le pouvoir d'achat? C'est ce qu'on veut savoir. Merci beaucoup. Je crois que, voilà, je vois la courbe de la population. Je dis, nous sommes À presque 12 presque millions. 12 millions de Oui. population. C'est ça. Je Ouais. veux que les gens se posent la question. Quelle est la quantité de production que nous avons? Je prends juste la production agricole. Elle est à quel niveau il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans? Elle était à quel niveau, effectivement? C'est justement ce que je voulais. Oui. J'ai essayé de visiter la plupart des maisons. Je me mettais à Listebout pour demander. J'ai regardé les prévisions. Curieusement, elles ne répondent pas nécessairement avec la situation. Voilà. C'est pour dire, comme on a dit tantôt, moi et Dieudonné, si vous voulez, si vous voulez, les statistiques en la matière ne sont pas vraiment visibles, sérieusement, parce que l'agriculteur qui cultive, il n'a pas une relation directe avec le pouvoir, avec ceux qui font ces statistiques. C'est-à-dire que si je regarde donc, et quand je dis qu'il faut une objectivité, c'est ça, je lance mon chantier de la sorte, parce que je veux que ce qu'on faisait, on cesse de nous activer, mais qu'on sache la production et les comment. Et là, je te dis, je parle d'abord, si vous voulez, je commence par les finances de l'État. On ne pourra jamais investir dans la production si on ne contrôle pas les finances de l'État. Et je veux que les gens le sachent. Et avec ça, je ramène une chose. Au Burundi, les plus riches ne payent pas d'impôts. Vous le savez. Ah bon? Oui, ils ne payent pas d'impôts. Est-ce que vous n'exagérez pas? Oui, j'exagère bien sûr, parce que je dis la Pourquoi? vérité. Pourquoi exagérer alors qu'il y a, il y a, il y a, il y a, Et il y a... c'est pour cela que moi j'ai dit, il faut qu'on établisse un impôt sur la fortune. Je prends un exemple. Monsieur Silver, vous et moi, et mon frère, nous habitons à Bujumbura. Nous sommes dans des quartiers qui sont allumés. Nous avons Ouais. tout ce qu'il faut en matière de standard presque dans ce pays. Est-ce que nous payons plus d'impôts? Est-ce que nous payons les impôts qui vont avec nécessairement? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais non, On y reviendra dans les détails si vous voulez. lorsque vous parlez de des impôts, il y en a, à vous entendre, c'est que il y a des gens, les petites gens qui payent des impôts et les grandes fortunes ne payent pas des On impôts. paye presque de la même manière sur les consommations, sur la plupart des choses, mais pas nécessairement sur les fortunes que nous avons nécessairement. Et je veux qu'il y ait cette proportionnalité. Voilà, je veux qu'il y ait cette proportionnalité. Il faut qu'elle se crée. C'est tout à fait normal. Je parlais donc des finances. Je vais rebondir, si vous voulez. Et là, sur les finances, il y a presque 20 points qui doivent être mis en couleur. Je vais, si vous voulez, sur l'agriculture. J'ai dit bien. Nous devons, et là, on se retrouve avec les autres, nous devons être capables de dire aux gens ici actuellement que tous les Burundais qui n'ont pas de travail ne sont pas nécessairement des agriculteurs. Et notre gouvernement doit s'impliquer spécialement pour qu'il puisse créer un mécanisme d'inventorier les Burundais qui ont la vocation agricole, une vocation pastorale, pour que ceux-là vraiment soient dans le métier et qu'ils soient soutenus, qu'il y ait des subventions. Je sais que je dis un mot qui n'est pas bon pour certains. Le gouvernement doit subventionner. Ces agricultures qu'on voit dans le monde entier qui se sont développées ne sont pas tombées du ciel. Il y a des gouvernements qui les ont pris en main, qui les ont aidés à se relever. Vous ne pouvez pas dire à un agriculteur burundais de supporter, de créer une sécurité alimentaire dans ce pays s'il ne peut même pas s'acheter une roue. C'est impossible. On ne peut pas le faire. On doit revenir à la logique, dans la logique des fermes. Les gens doivent travailler ensemble et le gouvernement doit les aider. OK. La question qui va suivre, parce qu'on ne peut pas entrer dans les détails pour le Oui, je moment, sais. ça sera peut-être une question sur les moyens que vous envisagez apporter à votre projet pour que ça soit réalisé. Monsieur Dieudonné, je posais la question par rapport au deuxième chantier de Monsieur Francis Roero. Vous avez une autre proposition, certainement par rapport à des problèmes que vous avez énumérés. Le Oui. premier, c'était essentiellement lié à la gouvernance, etc., etc., au leadership. Et quelle est votre deuxième proposition de solution? Le premier était d'abord sur le fait de valoriser et de respecter la vie humaine. Deuxièmement, c'est effectivement tout ce qui est lié avec le logement, de voir vraiment comment chaque Burundais puisse avoir un logement décent. Troisièmement, c'est au niveau de l'éducation qui doit être revue, ou le système éducatif doit être revu pour qu'il soit un système éducatif professionnel qui fait que les personnes qui soient formées, que ce soit au niveau. Au niveau universitaire, soit des personnes qui viennent pour apporter des solutions aux besoins réels du pays. Donc, soit pour ne pas produire, pour avoir des gens qui ont étudié mais qui vont devenir des chômeurs, parce qu'à un certain moment, ils n'ont pas été formés selon la demande, effectivement, et le besoin qui est sur le marché du travail. Il y a un autre côté, c'est effectivement, je rejoins Francis, c'est l'économie de production, mais qui ne doit pas seulement rehausser le PIB, mais qui doit aussi tenir en compte l'indicateur de développement humain. Parce qu'on se rend compte que, oui, c'est vrai, notre PIB est encore très bas. Si vous regardez notre PIB au niveau Afrique et au niveau du monde, il y a moyen qu'il puisse y avoir une production qui va faire remonter notre produit intérieur brut, mais qu'à la fin, on se rend compte que c'est un certain nombre de personnes seulement qui en bénéficient. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir comment est-ce que cela doit aussi contribuer au développement humain de chaque membre de la population burundaise. Alors, je reviendrai beaucoup plus aussi sur la question d'effectivement de système de gouvernance, qui est effectivement le leadership de service, où on doit réduire le pouvoir qui est donné à ce qu'on appelle les autorités administratives, pour que effectivement nous puissions donner l'opportunité à ce que le pouvoir soit plus ou moins collégial et que la population puisse participer à la Mais prise de décision. n'oubliez pas, il y a un adage qui dit que tout ce qu'on gère ensemble, que l'on néglige en commun, quelque part. Non, non, non, c'est pas dans ce sens-là. Regardez les pays où on voit une participation de la population à la base, où on ne connaît même pas les leaders à la tête, mais qui ont un niveau de vie très bien équilibré. On regardait par exemple les pays scandinaves. Quand on te demande qui dirige la Suisse ou qui dirige la Finlande, tu n'auras pas directement le nom. Mais à la limite, ce sont des pays où le niveau de vie de la majorité de la population est très bien équilibré. Donc, c'est un système de gouvernance qui donne l'importance à ceux à qui on sert que de leur demander seulement de te servir. Alors là, bien sûr, revenir sur les relations internationales, il faut que le Burundi puisse avoir vraiment la parole au niveau, Le concert des nations. au niveau de la sous-région, Ouais. que nous ne soyons pas seulement annexés pour une extension de marché, par exemple, dans ce qui se passe au niveau des communautés qui sont créées, mais que nous soyons des personnes qui apportent aussi, je dirais, des solutions ou même des produits qui peuvent être consommés sur le marché international. OK. Donc là, je passe en revue les quelques priorités, mais Avançons, c'est dans ce sens. le temps nous, devient notre ennemi en quelque sorte. Je voudrais poser une dernière question, c'est face à ces propositions. Des propositions, oui, mais les moyens, des fois, peuvent faire défaut. Et quels sont les moyens que vous avez prévus pour réaliser votre programme, Francis? Merci. Ça va coûter combien votre programme? Au total, sur les 7 ans, ça va coûter environ 12 000 milliards. 12 000 Ça milliards. ira dans une proportion de croissance à partir d'un milliard, de 2 000 milliards, avec une proportion, une croissance annuelle en moyenne de 15%. Et on montera au plafond vers 2027, avec un budget peut-être qui ira aux environs de 2 300, 2 400 milliards. On pourra entrer dans une autre mission en détail. Monsieur Dieudonné, combien ça va coûter votre projet. Je ne pourrais pas vous donner le chiffre ici. Oui. Je pense que cela doit d'abord, c'est pas la question ne doit pas être posée sous forme d'un chiffre global, mais doit être posée en termes de projets, des programmes qui vont être développés pour pouvoir effectivement réaliser ce programme que nous avons pour les Burundais. Donc, je préfère ne pas vous donner le chiffre dans cette émission. Donc, vous n'avez pas eu le temps de budgétiser votre programme. Nous avons eu le temps de budgétiser le programme, mais cela, ce n'est pas la question la plus importante Donc, une pour idée, aujourd'hui. pas nécessairement le chiffre précis. Non, je préfère ne pas me prononcer sur cette question dans cette émission. Francis, c'est en termes de francs bout de dollars, J'ai votre dit de programme. Frambo, aujourd'hui nous avons un budget qui est aussi autour de 1 400 milliards, vous le savez. Alors j'ai prévu que pour moi, il devrait y avoir une diminution de ce budget la première année pour donner un ballon d'oxygène au peuple burundais, diminuer ce budget vers les 1 000 milliards, 1 000 milliards, ce qui fera une diminution d'environ 25% du budget, ce qui aussi diminuera les impôts qui pèsent beaucoup sur le contribuable burundais, jusqu'à 30%, c'est-à-dire. Aujourd'hui, le budget de l'État, ça va à plus de 1 500 milliards Oui, c'est de... le budget qui vient d'être voté Oui, aujourd'hui, justement, mais c'est... le budget de l'année dernière, il était autour de 1 400 milliards. D'accord. Et sur les 5 ans, sur les derniers 5 ans, nous avons une moyenne de 1 400 Et milliards. vous parlez d'une diminution de ce budget-là. Pour la C'est-à-dire, première année. d'accord, c'est-à-dire qu'il y a des services qui ne seront pas, comment dire, donnés à la population. C'est pas ça, c'est mon programme. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une considération du budget qui est constante, mais qui va généralement dans le fonctionnement du gouvernement. Ah, Alors moi, c'est-à-dire, je vais faire une diminution si ça va dans... considérable pour diminuer le fonctionnement du gouvernement de façon visible, pour investir considérablement dans la production entre 55 et 60%. Alors, si vous dites que ça va dans le fonctionnement du gouvernement, quelles sont les coupes budgétaires que vous allez faire qui ne sont pas nécessaires aujourd'hui, mais qui sont là? Je vais vous donner l'exemple, c'est ce que j'ai commencé à dire. C'est d'abord toute l'assiette globale de l'argent qui maintient l'autorité presque, les intendances, c'est les déplacements des voitures, tout le carburant qui est utilisé, Ah, voilà, vous arrivez à des beaucoup choses de choses. concrètes. C'est-à-dire, il y a des lignes budgétaires qui, pour moi, Vous êtes président de la République, oui. élu, peut-être bientôt, Oui. vous n'aurez pas besoin des intendances. Pas besoin, mais dans la limite de la logique du contribuable. Vous n'aurez pas besoin de protocole. Si, dans la limite, j'ai dit qu'il faut diminuer ces choses-là. Je ne Alors, peux pas continuer à entrons. avoir une intendance annuelle de 120 millions dans un pays où les autres n'ont pas Vous quoi allez, vous faire. voulez quelle intendance? À quel niveau? Pas 120 millions, combien de millions? Je crois que ça pourrait tourner pas plus de 30 millions. Je veux que les gens comprennent. Je suis quelqu'un de Monsieur modeste. Dieudonné, Je Monsieur suis Dieudonné, quelqu'un de est-ce que modeste. vous êtes d'accord avec Francis? Vous aussi, vous allez diminuer ou vous allez augmenter? Je pense que le plus important pour le moment, c'est de revoir d'abord comment est structuré le budget. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le budget. Mais si vous voulez, lorsque vous parlez de la structure du budget, c'est un budget déficitaire. On voit que les dépenses dépassent de loin les recettes. Oui, effectivement. C'est évidemment le problème. Et là, continuer comme ça. lorsque c'est déficitaire, il n'y a pas de budget d'investissement. Alors, ce qui intéresse la population, c'est l'investissement. Comment est-ce que vous allez faire? La priorité, c'est de créer un environnement favorable à l'investissement d'abord. Ouais. Parce qu'il faut pas, parce qu'aujourd'hui, quand nous allons partir sur ce qui est, sur le budget qui est effectivement déficitaire et commencer à jouer avec ça pour dire voilà ce que nous allons apporter ou réduire, c'est quelque part à tomber dans un piège qui va faire qu'on ne fait que gérer ce que nous avons et on ne sait même pas. Au début du prochain nouveau gouvernement, ce qu'ils auront par rapport à tout ce que nous venons de vivre, ce que nous sommes en train de traverser au niveau des problèmes économiques au niveau de notre pays, ce qu'ils pourront mettre dans ce budget pour pouvoir soit le réduire ou l'augmenter. Moi, je pense qu'il est plus important et sur quoi on met un accent particulier, comment créer un environnement favorable qui fera que d'abord, pour les 100 premiers jours, de notre gouvernance, on crée un environnement qui favorise d'abord des investissements, on essaie d'effectivement réduire les dépenses, non pas pour de très long terme, parce que quelque part, on doit avoir les dépenses qui sont indispensables doivent être maintenues. Donc, pour le moment, je pense que le plus important, c'est de voir comment créer un environnement qui fera qu'effectivement, on peut produire plus, on peut créer un environnement favorable aux investisseurs qui peuvent venir même de l'étranger pour augmenter effectivement le produit intérieur brut. Alors, tant que vous avez la parole, j'aimerais poser la dernière question parce que le temps passe. Vous avez un projet et dans ce projet, il y a plusieurs actions que vous allez mener. Quelles sont les priorités? Au moins trois priorités de la première année. Les premières priorités, c'est effectivement créer un environnement qui fait que les Burundais se sentent en sécurité. C'est-à-dire que les Burundais se sentent en sécurité et qu'ils augmenter le nombre de militaires et de policiers. Non, parce que ce n'est pas ça, c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas une question de qui te protège, mais on augmente les militaires parce qu'il y a un danger. Il y a une certaine insécurité parce qu'on ne fait pas confiance à l'autre. Ouais. Donc d'abord, c'est de créer la confiance entre les Burundais. C'est de voir comment réduire tout ce qui a créé des problèmes et des tensions entre les gens. Actuellement, on parle des partis politiques. On ne parle plus des questions nécessairement ethniques. Mais il y a des tensions qui font que les Burundais ne pensent pas à long terme, ne puissent pas vraiment investir ou cultiver à long terme. Donc, il faut créer un environnement de sécurité. Deuxièmement, c'est de créer un environnement qui peut permettre à ce que des gens peuvent investir. Même les Burundais, aujourd'hui, ils ont peur d'investir parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver demain, surtout dans un contexte comme celui-ci. On est dans une période électorale, on sait que chaque fois, il y a des crises qui viennent, mais il faut vraiment donner encore la confiance aux Burundais de dire, voilà, vous pouvez investir et même votre investissement sera protégé et vous allez augmenter la production parce que les Burundais ont besoin de sortir de la crise économique ou de la pauvreté dans laquelle nous sommes. Alors, après, on va alors cette fois-ci sur d'autres questions beaucoup plus sensibles. Là, ce sont des questions en rapport, par exemple, de comment on crée un environnement qui donne l'opportunité à ce que chaque jeune Burundais puisse avoir de l'emploi. Ouais. Ça, c'est vraiment une grande priorité. Parce que la jeunesse burundaise, c'est le moteur de développement économique. C'est-à-dire, si vous en faites une priorité, la première année, tous les Burundais qui sont au chômage pourront avoir de l'emploi. Il ne faut pas simplifier dans ce sens-là. Mais la priorité, c'est d'abord, les jeunes capables de produire doivent être priorisés au niveau de l'emploi. Merci beaucoup. Francis, c'est la même question. Quelles sont vos premières priorités, vos priorités pour la première année? Merci. Merci. Je crois que la priorité d'abord pour moi, c'est cette histoire de diminuer d'abord le budget parce que j'ai l'impression que... C'est la première décision que vous allez prendre. Exactement. Il faut diminuer les impôts, beaucoup d'impôts. Je me rends compte qu'à tous les niveaux, les Burundais paient trop d'impôts. Mais là, il y a de l'incohérence. Quelque part, vous dites que vous allez taxer les fortunes, mais en même temps, vous dites diminuer l'impôt. Bien sûr, bien sûr. Les gens qui ont de la fortune ne sont pas les gens. Les gens qui paient les impôts, c'est nous tous. Il faut que les impôts diminuent, dans la logique que j'ai dit, parce qu'il ne faut pas mentir aux gens. La production ne peut pas venir du jour au lendemain. Ça, c'est la première action. Bien sûr. Il faut que le Burundais cesse d'alimenter un budget qui ne le sert pas, un budget qui le tue. C'est pas possible. Les gens doivent souffler, ils doivent avoir un ballon d'oxygène, ils doivent avoir un peu une vie. La deuxième chose, c'est pour moi, c'est un apaisement politique. Un apaisement politique. La population que burundaise. L'apaisement politique, ça serait une décision, ça serait une exactement, c'est-à-dire, aujourd'hui, je crois que c'est ce qui est nouveau, ce que nous sommes en train de venir. Nous, qui venons aujourd'hui, que vous dites que nous ne sommes pas connus, aujourd'hui, il faut que dans la population, les gens cessent de croire qu'il y a un pantin quelque part qui les guette. C'est ça qui empêche les gens de travailler, c'est ça qui empêche les gens d'être libres. Les gens ne sont pas libres dans ce pays, ils sont dans la peur. Il faut qu'il y ait un dirigeant nouveau, quelqu'un qui laisse les gens dans la liberté, quelqu'un qui offre une opportunité. Et c'est là où je rejoins ce que mon frère vient de dire. Vous ne pouvez pas créer un environnement aujourd'hui d'investisseurs favorable à l'investissement si les peurs ne se dissipent pas. C'est impossible. Il faut d'abord commencer par là. Tous ceux qui se sont dernièrement, vous savez ce qui se passe la plupart des fois dans les élections, il y a un acharnement, il faut que cela cesse obligatoirement, il faut que ce soit une décision. La troisième chose pour moi, c'est clair, nous devons investir immédiatement dans la production primaire. Et là, j'ai dit quelque part, il nous faut avoir, mettre sur le podium les produits vivriers comme les produits au niveau des produits industriels comme à l'époque. C'est-à-dire que c'est l'investissement que vous faites subitement et qui dans trois mois vous donne des possibilités de production. Nous avons une population Merci malade. Merci beaucoup, Francis. Le temps qui était imparti à cette émission arrive à sa fin. Il devient notre ennemi. Il y a toujours des choses à débattre avec les candidats présidentiels. Vous vous en doutez. Il y a toujours du détail à donner. Les invités, ils étaient là aujourd'hui. Ils y reviendront sans doute pour les détails par rapport à leur programme. Je voudrais adresser mes remerciements à nos invités. Merci d'avoir répondu présent. Mes remerciements aussi à nos auditeurs. Et c'est par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous disons également merci à Léonce Bitaliro qui a assuré la réalisation de cette émission. Alphonse Koubguimana était à la mise en onde. Et au micro, c'était Silver Nakarutimana. Très bonne journée. Bonne suite des programmes à la radio Isanganiro. Mosaïque. Mosaïque. Mosaïque. Mosaïque. Mosaïque. Mosaïque. Mosaïque.